Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire, le 20e congrès du Parti communiste du RSS, le congrès du renouveau. Trapu, le crâne rose et lisse comme une boule de billard, ses grosses mains de paysan gesticulant sans arrêt, la veste ouverte, le rire facile et tonitruant, M. Khrouchtchev est celui qui parle. C'est ce même Nikita Khrouchtchev, décrit ici par le journaliste René Lévesque, au moment où il rencontre le premier ministre canadien Lester B. Pearson à Moscou en 1955. C'est ce même Khrouchtchev, donc, qui, quelques mois plus tard, en février 1956, va ébranler les colonnes du temple du communisme soviétique en critiquant Staline, son bilan et sa politique du culte de la personnalité. La critique sera cinglante et passera à l'histoire. Cette condamnation de Staline au 20e congrès du Parti communiste du RSS sèmera le germe de ce qui deviendra plus tard le mouvement de libéralisation et de démocratisation du Bloc de l'Est. Зал слушал молча. Настолько молча, что, как говорят, у нас муха пролетит, и то слышно. То есть не было ни разговоров. La salle écoutait en silence. Le silence était absolu. Chez nous, on dit, on entendait les mouches voler. On n'entendait ni conversation, ni grincement des sièges, ni réplique. C'était un silence écrasant. Et si l'on avait pu entendre travailler les cerveaux, on aurait entendu beaucoup de bruit, car ce qui était dit était invraisemblable. Il était surtout étonnant d'entendre à côté de la liste des actes effrayants le nom de Staline, qui était pour nous sacré, intouchable, entouré de croyances mythiques et religieuses. En parlant des meurtres de milliers et de milliers de gens, des interrogatoires, des souffrances, du sang, des camps de concentration, on ne parlait pas du ministre de la Sécurité ou de l'ex-général de GPU, mais on parlait de la responsabilité de Staline lui-même. Alexandre Yakovlev, l'architecte de la perestroïka, qui raconte dans cette entrevue diffusée en 1993 la stupéfaction des délégués au 20e congrès du Parti communiste du RSS en 1956 quand Nikita Khrouchtchev se lève pour faire ni plus ni moins le procès du camarade Staline. Ce 20e congrès du PCUS marquera un vrai tournant dans l'histoire de l'URSS et du Parti communiste de l'URSS. L'historien André Champagne est avec nous. André, ce jour-là à Moscou, la terre tremble. C'est une commotion. C'est une commotion. Et puis, pour de nombreux historiens de l'histoire du communisme, dont le grand historien britannique d'origine autrichienne, Eric Hobsbawm, pour Eric Hobsbawm, le rapport secret de Khrouchtchev, prononcé dans la nuit du 24 février 1956, annonce les événements de 89 à 91. Oui. Pour lui, là, c'est vraiment le début de ça. On sème ce germe. Pour lui, c'est exactement. Pourquoi? Parce que on attaque Dieu le Père, ni plus ni moins que Joseph Staline. Pour vous donner une idée, là, Jacques, écoutez ce qu'on avait dit de lui au congrès précédent, au 19e congrès. Alors, écoutez ceci. Le 19e congrès avait été une prodigieuse compétition au cours de laquelle les membres du Politburo et les chefs du Parti communiste étranger avaient voulu rivaliser dans les hommages les plus grandioses, n'hésitant pas à représenter Staline comme le centre de l'univers, la sommité des sciences, l'architecte du communisme, une sorte de dieu vivant, touché par la grâce stalinienne qui rayonnait sur le congrès. Roger Garaudy, l'envoyé spécial de l'Humanité, multipliait les correspondances enthousiastes. Ainsi, le 9 octobre, c'est Garaudy qui parle, sous Staline, il devient possible de faire reculer les frontières de l'impossible pour creuser une mer. L'histoire de la nature comptait par millénaires. L'histoire de l'homme socialiste compte par quinquennat. C'est le maître incontesté. C'était le maître. C'est Dieu le Père. Ouais. Ni plus ni moins. Et là, soudainement, trois ans après sa mort, la statue du maître est déboulonnée. Et on s'y attaque parce que Khrouchtchev, donc, dans ce 20e congrès, trois ans après la mort de Staline, va justement s'attaquer, entre autres, au culte de la personnalité autour de Staline. Peut-être un petit mot, justement, sur le contexte. Là, ça n'arrive pas comme ça. On est donc Le 20e congrès arrive trois ans après la mort de Céline. C'est qu'à ce moment-là, il y a vraiment une rivalité pour le pouvoir. Pourquoi? Parce que l'héritier présumé était le camarade Malenkov. Et puis, évidemment, Malenkov était appuyé par Molotov, le ministre des Affaires étrangères. Il était appuyé par Kaganovich et Voroshilov, des vieux staliniens purs et durs. Alors que Khrouchtchev, lui, qui avait connu son ascension sous Staline et qui avait lui aussi, il y avait certaines responsabilités dont il a omis de parler à ce moment-là. Lui aussi, donc, il rivalisait avec Malenkov. Et pour déstabiliser les vieux staliniens, il a eu cette idée-là de profiter d'un rapport d'une commission, la commission Pospelov, qui avait été commandée dès le milieu de 1953 pour faire la lumière sur les dérapages qui sont venus sous la direction de Staline après 1934. Et ça dure des mois, le travail de cette commission, de ceux qui feront rapport. Et exactement. Et il va profiter de ce rapport-là, justement, pour se l'approprier. Il va prétendre que c'est lui qui l'a rédigé, alors que c'est pas du tout lui qui l'a rédigé. Et il va utiliser ce rapport-là pour déstabiliser les vieux conservateurs et consolider son pouvoir. Pourquoi? Parce que depuis quelques mois, il est déjà secrétaire général du comité central. Donc, c'est clair qu'il semble destiné à assumer vraiment la succession. Et pour déstabiliser ses adversaires, il profite de ce fameux document. Et on va y revenir sur le fameux discours dans cette nuit là, qui sera crucial, où la terre va trembler vraiment à Moscou. Mais encore une fois, un peu de contexte. Il y a plus que ça. Le congrès, c'est à la fin du congrès qu'arrive ce discours. Il y a déjà dans ce 20e congrès des changements importants qui sont annoncés. C'est-à-dire qu'il a énoncé le principe de la coexistence pacifique. C'est-à-dire que pour Khrouchtchev, le conflit n'est plus inévitable entre les forces capitalistes incarnées par les États-Unis et les forces socialistes incarnées par l'URSS. Il est convaincu qu'on peut arriver, que Moscou et Washington peuvent arriver à une espèce de modus vivendi. Il prétend également qu'il y a différentes voies d'accéder au socialisme, donc que le modèle soviétique ne serait pas l'unique modèle. Donc, et pourquoi énonce-t-il ce principe-là? C'est tout simplement pour tenir compte des réalités des pays du tiers-monde, puis pour tenir compte également de cette nouvelle réalité qu'est la décolonisation. Parce qu'à partir du moment où les empires coloniaux sont tout simplement en train d'accorder l'indépendance à leurs colonies, pour Moscou, c'est clair qu'il y a un potentiel d'agrandir le camp communiste en propageant le communisme en Afrique ou en Asie. Donc, il y a cette idée-là. Et il y a aussi l'idée qui est énoncée de revenir à ce qu'on appelle la légalité socialiste. Pourquoi? Parce que pour Khrouchtchev, il est impératif de revenir au principe léniniste de pouvoir, c'est-à-dire un pouvoir collégial. Oui. Déjà, depuis la mort de Staline, Malenkov et les autres avaient admis qu'il fallait instaurer un pouvoir collégial. Pourquoi? Pour prévenir les abus qui étaient survenus pendant les dernières années de Staline. Mais vraiment revenir à la manière et à la philosophie Lénine, s'éloigner de cette omniprésence, tout le contrôle, tout le pouvoir était aux mains de Staline. Oui. On veut s'éloigner de ça. La collégialité. Oui, sauf que c'est un exercice extrêmement périlleux auquel se livre Khrouchtchev. Pourquoi? Parce que en attaquant le personnage Staline, il risque de compromettre la légitimité du régime. Donc, il y a certains aspects de la période stalinienne, parce que Staline vraiment assume le contrôle total à partir de 1928 jusqu'à sa mort en 1953. Et de 1928 à 1933, c'est ce qu'on a appelé le grand tournant. C'est la collectivisation de l'agriculture, c'est les plans quinquennaux, c'est l'industrialisation accélérée et c'est la découlakisation, donc le massacre d'une partie de la paysannerie, c'est la famille en Ukraine. Ce sont des chapitres qu'on doit complètement omettre. On ne doit pas parler de ces aspects-là de la période stalinienne. Ce que Khrouchtchev veut dénoncer, c'est le fait que au 17e congrès du Parti communiste qui s'est tenu en 1934, où certains délégués avaient critiqué ouvertement la politique de Staline, les deux tiers des délégués du 17e congrès étaient morts lors de la tenue du 18e congrès en 1938. Donc, il a dénoncé ça. Qu'est-ce qui est arrivé à ces camarades-là? Il a également ressorti le fameux testament de Lénine de la fin 1922, où Lénine avait écrit noir sur blanc qu'il fallait à tout prix éviter que son successeur soit Staline. Pourquoi? Méfiez-vous de Staline. Parce qu'il est brutal, parce qu'il est dangereux et que Staline avait une propension à s'arroger tous les pouvoirs. Donc, ce fameux testament que Staline et ses partisans avaient tout simplement fait disparaître de la circulation Khrouchtchev le ramène sur le tapis lors du fameux discours secret du 24 février. Pourquoi? Pour, encore une fois, discréditer les partisans de Staline qui sont ses adversaires. Mais ce qui est vraiment important dans l'optique de Khrouchtchev, c'est de ne pas discréditer le régime communiste. Parce que d'ailleurs, il y a des remarques... Tout le blâme porte sur Staline. Et attention, c'est Staline après 1934. Le Staline jusqu'à 1934, c'est le bon Staline. Ouais. C'est le bon Staline. Mais après 1934, Staline va concentrer tellement de pouvoir et va développer ce qu'on appelle le culte de la personnalité. Donc, il va se déifier. Staline va se présenter comme, justement, le coryphée des sciences, comme le plus grand cerveau de notre temps, comme l'ami des enfants du monde entier, comme le libérateur de l'Europe qui a vaincu Adolf Hitler. Donc, Staline va s'approprier toutes les gloires que vous pouvez imaginer. C'est le grand généralissime. Khrouchtchev va même dénoncer les erreurs militaires qu'il a fait en 1941. Il va dénoncer le fait qu'il avait été averti d'une attaque imminente de l'URSS. Son homme à Tokyo, Sorge, lui avait même donné la date de l'invasion de l'URSS. Churchill l'avait averti et il a ignoré tous ces avertissements-là. Et dans les premiers mois de l'été de 1941, il a commis des erreurs, il a donné des ordres et tout à fait épouvantables. Et il est responsable justement d'une partie des pertes importantes subies par l'armée rouge et la population soviétique. Donc, charge à fond de train, ça dure des heures, ce discours. Ça dure 4 heures. Il n'y a pas de journalistes qui sont présents. Les délégations des partis communistes étrangers ne sont pas présentes. Le lendemain, on va leur donner une copie russe. Ouais. On va leur dire, vous avez une heure pour la regarder et retournez chez vous après. Ils ne sont pas présents, les délégués étrangers, mais évidemment qu'il y aura des bruits de couloir puis on va leur raconter ce qui s'est passé. À propos du fait que, justement, la critique des politiques de Staline épargne le parti, en fait, le système, fasse porter tout le blâme sur Staline. Écoutez Raymond Schmidtlein, qui est président de l'association France-URSS à l'époque. Je ne sais pas si vous connaissez l'anecdote. Écoutez bien ça, André. Le Khrouchtchev était tout de même un homme important. Il était, à l'époque où je l'ai connu pendant la guerre, secrétaire général du Parti communiste d'Ukraine. Il avait d'ailleurs eu le rang de général, n'est-ce pas, dans l'armée, et je crois même vers Stalingrad, qu'il avait combattu. Il était tout de même un des proches de Staline. Alors, bien sûr, on lui pose la question, et à ce sujet-là, d'ailleurs, c'est la fameuse anecdote que vous connaissez sans doute. Le jour de son discours, lorsqu'il dénonçait les crimes de Staline, un auditeur, dans cette immense salle glacée, on l'écoutait avec stupeur, s'écria « Et toi, qu'est-ce que tu faisais pendant ce temps-là » Alors, Khrouchtchev retire ses lunettes, croise ses mains sur le pupitre, promène ses yeux sur tout l'auditoire et demande paisiblement « Qui m'a interrompu ?» Personne ne répondait, pas une main ne se dressait, pas une voix ne s'élevait pour dire « C'est moi !» Alors, Khrouchtchev laisse durer ce silence, 30 secondes, 45 secondes, une minute, puis il remet ses lorgnons et dit « Eh bien, j'ai fait comme toi, camarade. » C'est formidable, André Champagne. Succulente anecdote, mais c'est plus que ça. Ça montre, au fond, les limites de l'exercice de cette critique du stalinisme. « J'ai fait comme toi, je me suis tué. » Oui, il y a une critique, mais la critique est très imparfaite. Absolument. Pourquoi? Parce qu'ils sont tous, responsables, parce qu'ils étaient tous présents. Khrouchtchev était responsable du parti pour Moscou. C'est lui qui a dû présenter une liste des communistes suspects, c'est-à-dire des habitants, des citoyens de la ville de Moscou qui étaient suspects pour telle ou telle raison. Donc, il a fourni 30 000 noms. Il a fourni 30 000 noms. Khrouchtchev, c'est lui que Staline a envoyé sur le front de Stalingrad, justement, pour empêcher les désertions. Donc, c'est lui qui dirigeait, justement, ces espèces de commandos du NKVD qui devaient surveiller les officiers et les soldats qui affrontaient l'armée. Et puis, le mot d'ordre, c'était tout simplement pas de quartier. Khrouchtchev, c'est lui qui, bon, il était secrétaire, il était responsable du dossier ukrainien. Donc, quelque part, il a dû tremper dans la famine ukrainienne. D'ailleurs, certains historiens disent que c'est pas un hasard si en 1954, il a donné la Crimée à l'Ukraine. C'est possiblement parce qu'ils sentaient que le régime avait des comptes à rendre à l'Ukraine, étant donné la famine qui a fait entre 5 et 6 millions de morts entre 1931 puis 1933. Oui. Lui, autant que les autres, regardez ce que Molotov lui avait dit avant qu'il prononce son discours. Molotov, ministre des Affaires étrangères, stalinien pur et dur, s'il en est un, avait dit « À quoi bon remuer tout ce passé? Qu'est-ce que cela nous apportera? » Kaganovitch avait dit ceci, on nous dira, et vous, où étiez-vous alors? Mm-hmm. Que faisiez-vous? Et puis Voroshilov, un autre partisan de Staline, avait dit, lui, il faut bien réfléchir, sinon nous risquons de jeter le bébé avec l'eau du bain. Ouais. C'était ça l'exercice auquel se livrait. Mais il y avait cet objectif dont vous nous avez parlé un peu plus tôt, il savait ce qu'il faisait, Khrouchtchev, à ce moment-là. Quel impact ça va avoir? On parlera du Bloc de l'Est, parce qu'il y aura les événements en Hongrie dans un instant, mais d'abord en URSS. Quel va être l'impact de ce... C'est une véritable commotion, d'autant plus que le rapport secret ne reste pas secret en URSS pour la très simple et très bonne raison que les 7 millions de membres du Parti communiste seront convoqués à des réunions de cellules locales où on va leur lire le rapport et on va les faire discuter sur le rapport. On va même le faire lire aux 18 millions de membres des jeunesses communistes. Donc, il y a 25 millions de citoyens soviétiques qui, en 1956, ont écouté la lecture du rapport. Et pour beaucoup de communistes et de membres des jeunesses communistes, la question qui se posait, c'est doit-on faire le procès du régime? On a même proposé dans certaines cellules, d'ériger un monument aux victimes du régime. Et on s'est même posé la question, oui, mais pourquoi on ne parle pas de la collectivisation de l'agriculture? Pourquoi on ne parle pas de la découlakisation? Et étant donné que le régime nous avait caché tout ça, pourquoi ne pas avoir une presse libre? Pourquoi ne pas permettre aux écrivains de raconter ce qui s'est passé? Et c'est là que Khrouchtchev s'est aperçu que c'était extrêmement dangereux. Pourquoi? Parce que ça risquait de déraper. Et ça va déraper. Ça va déraper. Entre autres, en Hongrie, justement, en Pologne aussi, un petit extrait pour nous remettre dans l'atmosphère, ce soulèvement, donc, hongrois, en 1956. C'est ainsi que tout a commencé. Fin octobre, par un jour gris et froid. Un rassemblement soudain, massif, silencieux d'ouvriers et d'étudiants. Le peuple de Budapest, saturé des mots d'ordre du marxisme, souhaitait sa liberté. Proclamait son droit à la vie, réclamait le départ des troupes soviétiques qui oppressaient sa patrie. Quelques jours plus tôt, la Pologne semblait avoir secoué le joug de Moscou et la Hongrie, à son tour, espérait reconquérir sa souveraineté. Mais cette protestation digne et pacifique ne fut pas entendue. Alors le drame survint, inexorable, implacable. On tira sur le peuple. Il répondit avec le patriotisme le plus farouche, le courage le plus téméraire. L'armée hongroise se rangea aux côtés des ouvriers et des étudiants. Budapest devenait un champ de bataille pour la liberté. Soulèvement en Hongrie, manifestation en Pologne, mais vous le disiez, André Champagne, Khrouchtchev se rend compte que la porte qu'il a ouverte au 20e congrès, elle risque d'être dommageable pour le régime. La répression, on n'est pas rendu là encore à Moscou. Ce sera peut-être le germe qui sera semé pour la grande libéralisation de 89. Mais là, en attendant, on agit avec dureté. La répression, elle est forte, très, très forte. En Hongrie, c'est épouvantable. En Hongrie, c'est le pays est littéralement envahi. On parle de 20 000 morts. Mais en Hongrie, c'est que Imre Nagy était allé assez loin. Il avait tout simplement proclamé le droit à la Hongrie au multipartisme. Il voulait que la Hongrie quitte le pacte de Varsovie. Donc, les réformes qu'Imre Nagy entendait mettre en œuvre risquaient de disloquer complètement le bloc soviétique. À l'été 1956, on avait assisté à des grèves ouvrières pratiquement révolutionnaires à Poznan, en Pologne. On s'était formé des conseils ouvriers, un peu comme en Russie en 1917. Et Khrouchtchev avait été obligé de se rendre à Varsovie Varsovie pour rencontrer les dirigeants polonais en leur disant « Mettez de l'ordre dans votre régime, sinon on envahit ». On a même stationné des troupes soviétiques tout près de la frontière au cas où il y a des débordements en Pologne. Et ces débordements-là ont eu lieu où? En Hongrie. Et ce qui est assez intéressant, c'est que lors des discussions entre les leaders communistes après le 20e congrès, il y a Mao qui avait dit « Prenez garde. C'est extrêmement dangereux l'exercice auquel vous vous êtes livré. Pourquoi? Parce que ça pourrait donner des idées aux opposants. Et Mao, qui lui-même est en train d'ériger son propre culte de la personnalité, a vraiment critiqué Khrouchtchev et a continué de critiquer Khrouchtchev pendant des années pour avoir attaqué le personnage et le mythe de Staline. Et puis pour avoir... Donc, finalement, le 20e congrès, c'est le congrès du renouveau, mais Khrouchtchev se rend compte assez vite. Attention, le renouveau a ses limites. Il se rend compte de ce qu'il est en train... de la bête qu'il est en train de... Oui, qu'il a créé, finalement. Mais ce qui ne l'empêchera pas de faire sortir en pleine nuit le cercueil de Staline qui était au mausolée à côté de celui de Lénine. En pleine nuit, on va le sortir et on va l'enterrer derrière le mausolée. On revient au motif, au fond. Il ne l'avait pas vu, ça, ce danger qu'il provoquait lui-même en appelant à un renouveau? Vraisemblablement pas. Il pensait tout simplement pouvoir limiter les dégâts en faisant croire à la population soviétique et au Parti communiste étranger et aux communistes du monde entier que le communisme était fondamentalement bon, mais qu'étant donné le caractère paranoïaque de Staline, la société soviétique avait connu des dérapages attribuables à la personnalité de Staline. Mais Khrouchtchev a maintenu jusqu'à la fin que le régime était fondamentalement bon. Oui. Mais il reste, André, puis on termine là-dessus, on l'a évoqué un peu plus tôt, les analyses historiques aujourd'hui nous permettent de penser que vraiment, il ne l'avait pas pensé comme ça, Khrouchtchev, mais c'est à ce moment-là que va commencer à s'articuler ce mouvement de libéralisation qui conduira, et de démocratisation qui conduira à la chute du mur en 89. Tout à fait. Puis d'ailleurs, je termine en citant Eric Hobsbawm qui a écrit ceci. « La révolution d'octobre créa un mouvement communiste mondial. » Le 20e congrès le détruisit. La dénonciation catégorique de Staline par Khrouchtchev détruisit les fondements de la solidarité mondiale des communistes avec Moscou. On s'arrête là-dessus. André Champagne, historien, collaborateur régulier à Aujourd'hui l'Histoire. Merci beaucoup, André. Je vous en prie. Merci. Merci également à toute l'équipe d'Aujourd'hui l'Histoire, à la réalisation André Martineau, les recherchistes Caroline Morin et Marie Caillé, stagiaire à la recherche Caroline Desruisseaux, recherche d'archives Mario Bolduc, au site Internet Mathieu Arsenault, à la technique aujourd'hui Tania Gancheva. Si vous avez envie d'écouter ou de réécouter nos émissions, abonnez-vous à notre balado-diffusion sur iTunes ou rendez-vous sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire. Vous pouvez aussi nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.